Salut à toutes et à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle chronique rétro gaming. Et pour le coup, on retourne en 1996. Dans les salons français, la PlayStation commence à faire parler d'elle. Cette année voit venir le jour d'un personnage complètement barré, prêt à bondir dans tous les sens. Son nom, Crash Bandicoot. Développé par le studio Naughty Dog, le jeu débarque avec une ambition énorme, montrer que la 3D peut être spectaculaire sans perdre en précision. À l'époque, tout le monde regarde du côté de la Nintendo 64 avec Super Mario 64 et ses mondes ouverts. Mais Crash, lui, prend une direction totalement différente. Ici, pas de liberté totale. Le jeu te guide dans des couloirs en 3D et ça change tout. Caméra imposée, rythme maîtrisé, sensations ultra précises, tu n'explores pas un monde, tu le traverses. Et chaque erreur se paye immédiatement. Ce que peu de joueurs savent, c'est que Crash Bandicoot est un petit miracle de technique. Les développeurs de Naughty Dog ont littéralement poussé la console dans ses retranchements. Mémoire limitée, puissance restreinte et pourtant des environnements riches, fluides, presque vivants. À tel point qu'à l'époque, certains pensaient que le jeu était impossible à faire tourner sur une PlayStation. Le principe est simple, avancer, sauter et tourner sur soi-même. Mais en réalité, c'est une autre histoire. Des plateformes millimétrées, des pièges partout, et des niveaux devenus mythiques. Le pont suspendu, le rocher qui te poursuit, ou encore le fameux niveau avec le cochon. Un jeu accessible en apparence, mais capable de mettre tes nerfs à rude épreuve. Il y a bien un élément qui donne toute son identité à Crash Bandicoot. C'est sa musique. Une bande-son composée par Josh Mansell, et qui, dès les premières secondes, te plonge dans une ambiance unique. Ici, pas de grandes envolées orchestrales comme dans certains jeux de l'époque. Crash fait un choix très différent. Des percussions tribales, des rythmes presque instinctifs, comme un battement de cœur qui accompagne chaque saut, chaque danger. Chaque niveau possède sa propre identité sonore. La jungle est vivante, presque chaleureuse. Les temples deviennent plus oppressants, et certains passages installent une tension immédiate, presque physique. Sans même t'en rendre compte, c'est la musique qui te guide. Elle accélère quand le danger arrive, et elle te met en alerte. Et parfois même, elle te trahit. Parce que oui, dans Crash Bandicoot, quand la musique s'emballe, c'est rarement bon signe. Mais ce qui rend cette bande-son vraiment marquante, c'est sa simplicité. Pas besoin d'en faire trop. Quelques instruments, un rythme efficace et une cohérence parfaite avec l'action à l'écran. Résultat, des morceaux que l'on reconnaît en quelques secondes et qui, des années plus tard, sont capables de te ramener instantanément, manette en main. Comme si chaque niveau avait son propre souffle. D'ailleurs, en parlant de souffle, je vais reprendre le mien le temps d'une courte pause musicale avec une musique incontournable des années 2000, Clint Eastwood de Gorillaz. Sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. Who you think is really kicking tunes? Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. The answer since the basics. Without it, you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rustle. Not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. Not for long, the future is coming on. Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. Not for long, my future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future. Intemporel, impossible à oublier. D'ailleurs, il y a un son que tous les joueurs de Crash Bandicoot reconnaissent instantanément. Ce masque qui flotte à côté de Crash, à coup, à chaque fois qu'on le récupère, on entend ce petit son, presque mystérieux, presque protecteur et difficile à imiter. Ouais, on a tous essayé, enfin, je crois. Un simple effet sonore, mais qui change immédiatement ta manière de jouer et te met en confiance. Et quand tu en accumules plusieurs, la musique se transforme, le rythme s'accélère et d'un coup, tu deviens invincible. C'est là que Crash Bandicoot devient euphorique. Les ennemis volent, les caisses explosent et toi, tu fonces sans réfléchir. Un moment court, mais incroyablement satisfaisant. Parce que sans ce masque, sans cette voix, sans cette musique qui s'emballe, l'expérience ne serait pas la même. Très vite, Crash devient le visage de Sony. Un personnage fun, un peu insolent et surtout parfaitement dans l'esprit des années 90. Un héros qui ne parle pas, mais que toute une génération ne pourra jamais oublier. Crash Bandicoot, c'est plus qu'un jeu. C'est une nouvelle manière de penser la 3D et un symbole fort des débuts de la PlayStation qui eut plusieurs suites. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique rétro gaming sur B-Soy.